quelqu'un m'a dit qu'elle chante, qu'elle vit en robe d'organdi, comme avant la châtelaine. La fleur aux dents et un corps de 20 ans qu'elle a pour ce lament, et Rimbaud et Verlaine. J'avais 15 ans, j'étais à vous, madame. Je me souviens de mes mains sur vos seins. J'ai entrouvert parmi les fruits sauvages la porte de la fleur de l'âge. Je me souviens de mes mains sur vos seins. Rien n'est plus beau que la voix d'un enfant jouant avec l'écho à travers la campagne. Où est celui qui, pour un nid de pie, sacrifiait dans les branches son costume des dimanches? Je me souviens, après chaque bataille, de l'orphelin qui dormait dans la paille. J'ai entrouvert parmi les fruits sauvages la porte de la fleur de l'âge. J'étais à vous, madame. Je me souviens de mes mains sur vos seins. Quelqu'un m'a dit qu'elle chante, qu'elle vit en robe d'organdi, comme avant la châtelaine. La fleur aux dents et un corps de 20 ans qu'elle a pour ce lament, et Rimbaud et Verlaine. J'avais 15 ans, j'étais à vous, madame. Je me souviens